Si la route était classée à caractère prioritaire, j'aurais trouvé cette signalisation. Le panneau triangulaire est un signal de danger. Il annonce un carrefour dans lequel les conducteurs arrivant des voies adjacentes sont tenus de céder le passage. Cette priorité est dite ponctuelle, car valable uniquement à cette intersection. Je passerai donc sans céder le passage, réponse B et D.